Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on a une grosse émission, plein de restants des dernières semaines qu'on a reçus dans une grosse boîte ici au poste d'écoute. Donc, on va les passer en rafale. On va commencer avec le francophone pour leur donner une petite chance de plus, vu qu'ils chantent en français. On va entendre du Arnaud avec son album Covers Cocktail. Et aussi Rain Man, c'est du rap avec Armageddon 12, 2112. Mais on commence avec Gaston. Leur album s'appelle 1978 à 1998. Voici 1978, le compteur à zéro dans le poste d'écoute. Oh, 89.1 FM, c'est fou ça! Arrive au monde, puis une demi-heure. En ligne sur un tapis roulant, 0 km au compteur, et on y va droit devant, droit devant. Sur une espèce de camion, le dépose dans le stationnement. Le poste d'écoute. Trop grand pas. Carmen au lave-auto. Il m'aime tellement, je suis son sac à dos et sa chaîne stéréo. Depuis un an et demi, je suis son meilleur ami. Yeah. Gaston avec Toune de Char, 1980, précédé de 1979, Mario, et de 1978, Le Compteur à zéro. C'est avec leur album 1978 à 1998. Gaston qui est un groupe de Joliette, un groupe de rock, folk, country, composé de Philippe Neveu à la voix et la guitare, Benoît Ricard à la basse, Anthony Cantara à la batterie et Sylvain Garceau à la guitare. Allez voir myspace.com/GastonQC. Gaston QC. Malheureusement, il n'y a pas de biographie sur leur MySpace, donc c'est plutôt malheureux. J'aurais bien aimé parler un petit peu plus de Gaston. Mais on va continuer avec Arnaud, dans le francophone, qui nous a envoyé l'album Cover Cocktail. Avec, en fait, ça commence avec la pièce « Ils ont changé ma chanson » et ça commence à l'instant même dans le poste d'écoute. Et restez là parce que plus tard, on va accélérer le rythme. On va écouter une rafale musicale telle le vent d'automne. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et c'est pas bon, moi. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my brain, man. Look what they done. My brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane. Look what they done to my son. Ils ont tradé ma chanson. Ils ont trahi ma chanson. Ce n'était rien qu'une chanson. Mais c'était ma chanson, moi. Ils ont changé ma chanson. Pays plat, aussi plat qu'un plat.

the door, she took four more for the tragedy getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your mind, so you go running for the shelter of a mother's little helper. And to help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Life just much too hard today. And I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way through your busy dying day. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Arnaud avec Mother's Little Helper. C'était quelque chose, hein? C'est pas le bon genre de quelque chose non plus, en tout cas. Une reprise des Stones, et j'ai reçu un commentaire d'un auditeur qui disait que c'était atroce, que c'était dégueulasse, que c'était très, très, très mauvais. Je peux pas dire que je suis en désaccord avec ça, tu sais, j'ai vraiment, vraiment pas aimé cette pièce-là. Justement, c'était Oupou, et avant, c'était Ils ont changé ma chanson, donc trois pièces du nouvel album de Arnaud qui s'appelle le Covers Cocktail. Tellement, mais tellement pas mon genre de musique. Il fait du rock blues pop. Il vient de Belgique. Son dossier de presse dit, et je cite, « Présenter Arnaud est inutile. Des livres et des programmes de télé lui furent consacrés. Vous le connaissez depuis longtemps. Et sa musique, alors, quelqu'un qui se respecte la connaît par cœur. » Bon, ben en plus, le document de presse m'insulte en me disant que je ne me respecte pas moi-même. Allez voir myspace.com/ArnaudMusic ou encore ArnaudAntigens.be ou je crois que Arnaud.be fonctionne aussi, donc allez voir ArnaudBE si c'est votre genre de musique. Moi, je vous respecte si c'est le cas. Hein. C'est correct, vous avez le droit de mettre ça. On termine le francophone pour cette semaine avec un album de Rain Man. Et là, ça va être encore moins mon style de musique. C'est du rap. L'album s'appelle Armageddon 12, et on commence tout de suite avec la pièce Rap en deuil. Et restez avec nous parce que dans après ce CD-là, quand on va revenir, ça va être un gros blitz des CD anglophones qu'on a reçus. Ben, en fait, de tous les styles musicaux qui ne sont pas francophones depuis les dernières semaines, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ce qui s'en vient un petit peu plus tard dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. Maintenant, voici Rain Man et la pièce Rap en deuil au 89.1 FM. C'est fou, ça! It's crazy, that, comme on dit. C'est vrai qu'on dit ça. Ben, juste moi, là, mais... Je représente les gens qui disent ça. Emmène-les à l'église, mon gars. Hey. Prépare le rassemblement. Pas si bon comme ça, mon gars. la bonne nouvelle. Les Ultimate. Les Ultimate. Ultimate. Les Ultimate. Les gars Ultimate. Les Ultimate. Yeah. Les necks veulent savoir j'suis qui. Mère MC vivant. J'passe sweet comme Mickey. J'ai un vécu de survivant. Un pied dans le Zenet, l'autre pied dans l'essai. On est live en direct. Un paquet n'existe ici. On t'assassine dès que tu seras à ton éveil. Mes necks t'attendent pieds fermes juste pour que tu te réveilles. On est solide, l'affaire on l'a comme Reno. Bon la ferme là mon gars ou bien débarque du créneau. J'suis dans le street. Même si nègre une probation. Dans mon cas y'a pas de chiffre mon gars. Hydratation. J'ai l'air exact, seul faire de l'argent. Tu peux pas me crush, t'es déjà dit j'te vois de l'argent. J'ai la vérité dans mes rhymes. Puis j'suis undisputed comme Ving Rains. On est les seuls, les vrais, les grands. Les ultimes, nègres, règles, N.O. Toujours love, M.O. Suis-nous proche, loin de ça la différence. Moi nous autres, qu'ils ont qu'on nous, tu vois ceux qui rentrent, G. C'est le nouveau sombre, yeah. Hey. Le nouveau testament, chief. L'avènement. La nouvelle bible, yeah. Wouh. Ultimate. Mon gars, ultimate. Pendant que la scène est schlingue, nos manœuvres innovent avec le rap qu'on slingue. On met les règles à 9, c'est pas du 9 à 5, c'est plus du 9 à 9. Peu importe que c'est à besoin, outra ou 9. En off, la France pis les States, c'est notre transition. C'est sûr qu'on est paré pour la grande mission. Dans une belle machine vers la grande maison. On speed, t'as des problèmes de transmission. Ultime qui sort derrière le cop puis le fame. J'suis un directeur, garde la façon que j'gouverne le game. J'me tiens sur un fil, c'est cash feel qui me guide. 8 ans d'absence puis on nous réinvite. Pour vrai, on s'en crisse de ton rap, t'es guide. Dans Spike, notre jeune, on veut notre cop liquide. Les sourcils français, l'attention dans mes yeux, leur approche. Je prépare mon ascension dans les cieux. Ultimate. Mon gars, ultimate. Je prépare mon ascension dans les cieux. On est ultimate. J'ai la vérité dans mes mains. Ultimate. Mon gars, ultimate. Par mon ascension dans les cieux, j'ai la vérité dans mes mains. On est ultimate. Ultimate. Mon gars ultimate. On est les ultimate. Ultimate. Mon gars ultimate. Vous synthétisez le poste d'écoute et restez avec nous parce qu'après la pause, il y a un petit peu plus de rap. Après ça, on change puis on repasse plus de rap pour le reste de l'émission. C'est promis au 89.1 FM. C'est fou, ça! À leur pile, je j'ai pesé stop, faites mon vœu pour un renouveau. Tout soit rénové, la rue nous veut. On survole la ville, à vue d'oiseau, free as a bird. On parcourt les mille, nos années passent, on a des fils, puis des neveux. Brave heart, courageux, on fait ce qu'il faut. Qui tue par le feu, périt par le feu. Here we go, puis ça continue, nos actes sont dans les règles de l'art. Juste un nouveau jour, c'est juste un autre dollar. Nos noms sont gravés dans la métropole. On est entré dans le pays avec le meilleur album. On est passé proche, sûrement faut dire c'était pas notre heure. On fait de la musique de merde pour mieux gérer notre douleur. J'suis un jeune vétéran, sauf j'suis plus tanné qu'un autre. J'suis pas un gars du peuple, mais j'suis pas mieux qu'un autre. Ceux qui nous connaissent bien disent qu'on est des gars bien relax. Sans vacances, jour après jour, on fait notre bise sans relâche. Par c'est maintenant, pas demain, sinon c'est jamais. Mon va jusqu'au bout. C'est pas juste les bouches qui parlent, des guns te communiquent, mon gars. Va jusqu'au bout. De ton rêve, de ta route, de ton succès, mon gars. Continue de pousser. Parce le monde t'appartient, tout ce qu'il y a dans mon gars. Avec le rap, c'est comme ça qu'on s'insère. Qui te connaît, qui garde des verses profonds pis sincères. Tout ce qu'on dit sur track, c'est vérité. On continue de faire ça avec ses vérités. Armageddon, c'est encore là qu'on est rendu. Le game te rend doux, nous autres on prend dur. Ils pensent qu'on joue un jeu. Personne va mettre nos gars dans jouer en jeu. On fait ça sérieusement. Rap de vertige, on le fait périlleusement. Tu crois vraiment qu'on y est? En train de pousser, c'est là qu'on y est. Chief, j'essaie pas de changer de sujet. Du game, j'ai pris le cop, puis je me suis jet. De retour, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs. Par c'est maintenant, pas demain, sinon c'est jamais. Mon va jusqu'au bout. C'est pas juste les bouches qui parlent, des guns te communiquent, mon gars. Va jusqu'au bout. De ton rêve, de ta route, de ton succès, mon gars. Continue de pousser. Parce le monde t'appartient, tout ce qu'il y a dans mon gars. Va jusqu'au bout. Par c'est maintenant, pas demain, sinon c'est jamais. Mon va jusqu'au bout. C'est pas juste les bouches qui parlent, des guns te communiquent, mon gars. Va jusqu'au bout. De ton rêve, de ta route, de ton succès, mon gars. Continue de pousser. Parce le monde t'appartient, tout ce qu'il y a dans mon gars. Va jusqu'au bout. Rain Man avec la pièce Va jusqu'au bout, précédée de Rap en deuil de leur nouvel album Armageddon 12-21-12 ou Armageddon 12-21-12, comme vous le voulez bien. Ici dans le poste d'écoute, où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Vous savez que le rap, c'est vraiment pas mon genre de musique. J'en parle en mal à chaque fois que j'en fais jouer. Je pense que je devrais juste arrêter d'en jouer. Je pense que j'ai même déjà fait cette promesse-là en nom, mais que voulez-vous? C'est francophone, je me suis dit, faut le passer. En tout cas. Maintenant, on passe à la phase blitz musicale, comme on pourrait dire en radio. C'est qu'on a reçu tellement de disques depuis les dernières semaines qui se sont accumulés. Aujourd'hui, on va essayer de se débarrasser de plusieurs disques. On va y aller donc deux pièces par album. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'émission. On commence avec The Consumer Goods Present The Anti-Imperial Cabaret. Voici leur première pièce, Day Job at the D&D Depth of National Defense, dans le poste écoute au 89.1. I go to work for the D&D. Poste d'écoute. You'll get yours someday, and I'll get what's coming to me. The Consumer Goods avec leur album The Anti-Imperial Cabaret, la pièce Aliens Have Feelings Too, précédée de Day Job at the D&D Depth of National Defense Department. The Consumer Goods, un groupe de indie pop shoegaze de Winnipeg au Manitoba. Welcome to the entire Imperial Cabaret, ici sur leur MySpace, au myspace.com/TheConsumerGoods. Là-dessus, ben, y a des pièces à écouter, une petite biographie, l'adresse de leur vrai site web qui est TheConsumerGoods.net. Les membres sont Tyler Shipley, Ryan McVeigh, Matt McLennan, Matt Eldebrand, Ian Jeffrey, Matt Kolchevsky, Billy Western, Andrew Workman et Ken Phillips. Ça fait beaucoup de gens pour un seul band, mais j'aime ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très bon, ça. Très bon. On continue avec Gianna Lauren. Son album s'appelle Fist in a Heart. Voici les pièces Blueberry Fields et The War of Love and Numbers dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble dans vos oreilles au 89.1 FM. Quelle bonne radio. Hein? Ah, la voilà. Elle vient d'arriver. On entendait ses pas. The all-encompassing of my more blueberry fields, worn and tired, sore feet from the journey. Ever so changing environment, I wish to change to anyone else except myself, except myself. And if a broken heart wanna move faster, I'm packing up, moving on. Got dust all over my fingers. You cheat yourself, not me, you know. But I say in my head that this is life, this is life, this is life. This is life, this is Gianna Lauren avec son album Fist in a Heart et la pièce The War of Love and Numbers, précédée de Blueberry Fields, de Gianna Lauren qui chante du folk rock indie alternatif, elle vient d'Ottawa en Ontario. Gianna Lauren à la guitare jazz, guitare acoustique, clavier et voix, Daniel Lalonde à la basse électrique, la double basse, Matthew Cosgrove à la batterie et René Leduc au violon. Donc elle vient d'Ottawa, autant compositeur-interprète, qui joue de la musique douce avec son frère Dan et son ami Matt. C'est son premier album, en fait le premier album du trio avec 8 pièces atmosphériques. Voilà, c'est ce que ça dit sur son MySpace, au myspace.com/GiannaLauren ou encore GiannaLauren.ca, un site qui s'en vient très bientôt, dit-elle sur son MySpace. On reste dans le Canadien pour aller entendre Cameron Latimer pour terminer cette première heure du poste d'écoute. Voici Empty Saddle et on parlera de cet homme Cameron Latimer dans la deuxième heure. Vous synthonisez le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble dans votre Radio Campus à Trois-Rivières. Le C'est Fou 89.1 FM. Where I'm going, 'cause Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Donc, il nous reste 2 heures pour faire un petit blitz, pour passer à travers les CD qu'on a reçus depuis les dernières semaines. Vous savez, c'est le début de l'automne, donc tous les groupes, on dirait, veulent tout sortir en même temps. Question qu'on les oublie, qu'on les écoute pas, parce qu'il y a comme trop d'affaires à écouter. On dirait que c'est ça que les groupes font. Il me semble qu'ils devraient s'étaler à travers l'année, c'est logiquement. Mais non, tout le monde envoie ça en même temps. Ça passe complètement inaperçu. On aime bien gros ça. On était rendu à écouter une deuxième pièce de Cameron Latimer. Son album s'appelle Fallen Apart. Et voici Heartbreaker dans Pause Écoute. 89.1 FM. Lonely as a heartbreaker gets, but she's gonna make me sorrier still. If only I could get me my rest, but I'll wait patiently while I'm on the mend. Do what you wanted, say what you please. I think I'm on the winning streak. I got in a little trouble at the border, now I can't go home. I just think it's a shame the way you've been done by him. I think it must be a sign that the heartbreaker's time has come. Take back what you said, buy us another round. I count 2 heads, say whatever you please. Hey Jerry, what's the name of the girl at the end of the bar there? Can I tell her I'm in the band? Is that okay? I just think it's a shame the way you've been done by him. And I think it must be a sign that the heartbreaker's time has come. Cameron Latimer avec Heartbreaker de son nouvel album qui s'appelle Fallen Apart ici dans le poste d'écoute. J'ai bien aimé cette deuxième pièce, surtout de Cameron Latimer, c'est très bon. Country Folk de Vancouver en Colombie-Britannique, CameronLatimer.com ou encore MySpace.com/CameronLatimer. Il y a des pièces à écouter là-dessus. Ça dit qu'il joue de la guitare depuis il y a 16 ans. Ouais, il a écrit au-dessus de 100 chansons et a enregistré plus du tiers professionnellement. Allez voir son MySpace pour tous les détails sur Cameron Latimer. On continue avec une fille maintenant. Elle s'appelle Lonely Drifter Karen. Son nouvel album s'appelle Grass is Singing. Et tout de suite, voici This World is Crazy dans le poste d'écoute. C'est fou, crazy. It's crazy that. On le répétera jamais. It's crazy that. This world is crazy. Yes, that's what it is. And here we are now, far away from the city. Don't we look pretty? Wish I had a yoke. Ola ila, ola ila, ola ila, ola ili ai. Wish I had a yoke. Ola ila, ola ila, ola ila, ola ili ai. The roses came in early July. See you one more time. When all the fields are green, even though we know it's a passing time. 'Cause we will jump back on our trains to the city where we came from and wave goodbye. Ba-ba. We have flown in an old sky. Raspberry worms, rose thorns, complaining wine. You waste your time. You tell me stories, I listen. You chose high and deep listen. You are a classic Bahomi. The carousel story. Lonely Drifter Karen avec The Angels Sigh, presté de This World is Crazy, de son nouvel album Grass is Singing, ici dans le poste d'écoute. Elle fait de l'alternatif pop folk, elle vient de Barcelone, Gothenburg, Vienna, Espagne. Tanja Frunta à la voix, guitare et à l'écriture, en collaboration avec Marc Melias Aurelias au piano, production et autres instruments tels que l'accordéon, et Giorgio Menossi aux percussions et à la batterie. Allez voir myspace.com/lonelydrifterkaren si vous voulez en savoir plus sur elle, et aussi les dates de spectacle. Elle est en grosse tournée mondiale présentement, en tout cas, moi je vois plusieurs parties de l'Europe là. Donc, Lonely Drifter Karen, et l'album, c'est Grass is Singing. On change, mais complètement, de style musical pour aller jouer un petit peu de punk. La formation Static Thought et leur album The Motive for Movement. Tout de suite, voici la pièce Faces dans le poste d'écoute. Oh, 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Take it. C'est fou depuis 10 ans déjà. I can't take it. The pressure. Trying to live up to everybody's stares to our world. I'm impatient. A lack of the man. And then you are set. Nothing matters. Pushing off you. Trying to tell the enemy. Any more of this and you'll find yourself dead. Affliction. As I compare you in the gym. The voice, trying to be good, to be like a boss to a wolf. I'll be patient, again you'll see, it's been made of me. Any more of this and you'll find yourself dead. Inflation, and there is a big doing for dinner. Static Thought avec la pièce Anymore, précédée de The Reason I Breathe. Et on a commencé le bloc avec Faces, ces trois pièces de leur nouvel album The Motive for Movement. Je vais vous laisser aller voir le www.unechance.com pour trouver le lien vers la formation Static Thought. On continue dans le punk, toujours avec The Creepshow. Leur album s'appelle Run for Your Life. Et tout de suite, voici The Sermon 2. On passe d'écoute. C'est la radio campus de Trois-Rivières. www.unechance.com. www.chance.com. T'es dîné. Listen closely as your radio plays a program of a slightly different strain. Tonight, my children, a new power will rise, unleashed upon you all in this musical disguise. Your city is turned to ash, the broadcast is cursed. The signal is peaking and can't be reversed. If you choose, my children, you can try to hide. But I strongly suggest run. Into the ground as it burns. Airwaves call out into the night. Live through the sounds. We can't see an ending in sight. poste d'écoute. The Creep Show avec Demon Lover, précédé de Rumor Radio et de Sermon 2. Et là, un auditeur m'a fait savoir qu'une pièce était particulièrement bonne sur l'album qui pourrait très bien entrer dans nos palmarès. Elle s'appelle Take My Hand. Et on l'écoute à l'instant juste parce que ça me tente au 89 FM. C'est le poste d'écoute. Leave these thoughts behind, wandering together with bloody eyes. C'est vrai que c'est bon, c'est Take My Hand de la formation The Creepshow, ça vient de leur nouvel album Run For Your Life. Très bon ça, vraiment aimé, ça pourrait très bien faire partie des palmarès de C'est Fou. Donc l'album Run For Your Life sort le 2 septembre en magasin et en ligne. The Creepshow qui est un groupe de psychobilly punk rockabilly de Toronto en Ontario. Ça dit que dans leur résumé que leur album sort le 26 août, donc faites confiance à qui vous voulez là-dedans. Et puis ils sont en spectacle un petit peu partout, ils s'en viennent au Québec le 12 septembre à 19h avec Anti-Flag au Impérial de Québec. Et le lendemain, le 13, ils vont être aussi avec Anti-Flag au Club Soda de Montréal. TheCreepShow.org, c'est leur site web, ou encore myspace.com/TheCreepShow. Allez vous renseigner, j'ai bien aimé ce petit groupe de pop-punk. On continue dans le domaine du punk. On fait un petit bloc punk, c'est fun comme ça des fois. Prochaine formation s'appelle Civet, ou encore Kivit, ou Civit, j'ai aucune idée comment le prononcer, C-I-V-E-T. Leur album est un cliché en termes de titre. Hell Hath No Fury. Et tout de suite, voici la pièce Alibi. Notre pause écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM. Yeah. Civet avec Son of a Bitch, précédé de Alibis dans le poste d'écoute. Civet, C-I-V-E-T. C'est du Femme Fatale Punk Rock. Ça dit que l'album est très attendu. Il sort le 9 septembre. Leur album s'appelle Hell Hath No Fury. MySpace.com/Civet, C-I-V-E-T. Ou encore, en fait, je crois que c'est leur seule adresse, mais je suis pas sûr. Civet, c'est Lisa Graves à la voix et la guitare. Susie Homewrecker à la voix et la guitare. Jackie Valentine à la basse et la voix. Et Danny Arrowin à la batterie. Les quatre sont des filles. Allez voir sur le site et allez voir la pochette de l'album. C'est joli. Hein, c'est bien. C'est une belle pochette d'album, on peut dire ça. Voilà donc MySpace.com/Civet. On passe à un groupe canadien qui s'appelle The Great Outdoors. Jolie petite pochette de carton. C'est un EP, un maxi de seulement 4 pièces qui s'appelle Summer. Et sur leur couverture, on voit des gars en train de faire du barbecue, dessiné à la main, tout ça, c'est très joli. The Great Outdoors, c'est écrit G-R-A-T-E, et puis là, c'est barré, puis ça dit The Great G-R-E-A-T. C'est genre une petite faute, cette bande. The Great Outdoors avec Melissa DeVost et R.C. Joseph sur ce EP. Et à l'instant même, voici Summer in the City au 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, ça! Le poste d'écoute. come everything to the top, my friends. Don't leave it all beneath your boiling skin. So that when you breathe, the air will strike you, and your life will feel a little feel everything. Give everything, lay it down by your side. Surrender every base possession, so that when you breathe, the air will strike you, and your death will feel, will feel everything. Great Outdoors et Give Everything, précédé de Summer in the City, ça vient de leur EP ou Maxi Summer. The Great Outdoors, un groupe de indie folk rock de Colombie-Britannique. Allez voir myspace.com/TheGreatOutdoors. OutdoorsDDG, c'est ça? OutdoorsDDG, Ou TGOD.ca, c'est beaucoup plus facile. TGOD pour TheGreatOutdoors.ca. Les membres sont Randy Forrester, Stephen Wedgelin, Steve Wells, Craig McCall et Adam Nation. On passe, on reste dans le canadien, oui, c'est bien ça, avec une autre formation qui s'appelle Make Rockins. Leur album s'appelle Exit. On a ça bien à l'avance. Voici deux pièces, Divided in Two, précédées de He Said, She Said, dans le Prosécoute au 89.1 FM. He said, she said, I won't be the first guy. He said, she said. poste d'écoute. The Ballad in 2 de la formation McRackins ou Rickens, resté de la pièce He Said, She Said, c'est bien leur nouvel album Exit. Ils sont très, très, très chanceux de jouer sur les ondes de radio, hein, sérieusement, parce que plusieurs groupes, dont McRackins, envoient leur CD dans une boîte de CD cheapo, acheté dans un magasin cheapo, avec un CD gravé cheapo, puis s'attendent à ce qu'on le joue. C'est bien rien parce qu'il y a une émission qui passe tous les CD que Sifu reçoit, qu'ils ont la chance de jouer sur nos ondes, donc... Ben, c'est pas que la musique est pas bonne, mais c'est dans une radio, forcez-vous un petit peu. T'sais. Je sais qu'il y a peut-être pas de moyens chez McRickens, mais quand même. On passe à la formation My Sister Ocean, qui est canadienne. Leur album s'appelle Nuclear Boy. Vous avez bien entendu, pas Nuclear, mais bien la prononciation Bush-esque de Nuclear Boy. Ça dit « Warning, this music is highly addictive ». Les études ont montré que la musique rock peut être encore plus difficile à arrêter que l'héroïne ou la cocaïne. MySisterOcean.com ou MySpace.com/MySisterOcean. On s'en va entendre tout de suite la pièce titre qui est elle aussi Nuclear Boy. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Au 89.fm, c'est fou.ca. And everyone décroche le poste d'écoute. Broken dreams on the silver screen. Broken dreams in slot machines. Broken dreams in the music scene. I'm inventing a new machine to improve my self-esteem. Look everywhere and what do you see? There's no place in society. There's no place in society for me. Fall asleep, wake up, work, and fall asleep again. Beautiful Failure. J'ai vraiment dit Failure. De My Sister Ocean, l'album s'appelle Nuclear Boy. Justement, c'est donc la pièce titre Nuclear Boy. Si vous voulez avoir plus d'informations sur eux, passez par le site de l'émission www.unechance.com. Le lien est directement là-dessus et les liens de tous les artistes qu'on a écoutés jusqu'à maintenant et qu'on va écouter jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste une troisième heure dans ce poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et cette semaine, on fout dans la pile pour prendre tous les restants des dernières semaines, tous les artistes en direct du Québec et envoient leur CD en même temps. Donc, restez là pour la suite dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette dernière heure, on va se concentrer un petit peu plus sur le jazz et l'électronique parce qu'on doit passer à travers une pile de CD qu'on a reçues depuis les dernières semaines. C'est assez incroyable. Plusieurs, je dirais l'équivalent de plusieurs boîtes de nouveaux CD. Il y en a tant que ça. Tout le monde se concentre leur matériel sur l'automne. Je sais pas trop pourquoi. On dirait qu'ils veulent être perdus dans une foule et personne ne les écoutera, ces CD. Mais bon, nous, on les écoute. C'est ce qu'on fait dans le poste d'écoute. On prend chaque CD, on les passe dans le lecteur CD un après l'autre. Quelque chose qui m'excite pas mal. Je vais peut-être pas jusqu'à dire excité, mais en tout cas. Le nouvel album de Maxime Robin. Vous le connaissez peut-être. Il est passé par C'est fou, c'était un animateur ici. Par l'université, il est connu à Trois-Rivières pas mal, Maxime Robin, dans le domaine de l'électronique. Son nouvel album s'appelle Écoutez pas la vitre. Pas comme dans P.O. Écoutez pas la vitre. Donc, c'est un CD en 14 pièces. On va entendre les premières. On va essayer d'en entendre le plus possible, vu que c'est un artiste qu'on aime bien. Son précédent CD s'appelait Maxime Robin et The Town Tempo Kind of Guys. C'était très, très bon. Donc, on commence avec la pièce d'intro qui s'appelle Graffiti's on the Wall, qui sera suivi de Down at Morgan Bridge. Ça se passe tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1. C'est la radio en plus de Trois-Rivières. Break it, break it, break it, break it, break it. poste d'écoute. Maxime Robin avec la pièce Serious Diseases, précédée de Pleurer le Monde, de Open House featuring Mashup Potatoes, de Down at the Morgan Bridge, at Morgan Bridge, oui, et on a commencé avec l'intro Graffiti's on the Wall. Maxime Robin, un artiste du Québec, de la région de Trois-Rivières même. Électro hip-hop, c'est ce qu'il fait. Et puis son site web est au maximerobin.com ou encore myspace.com/MaximeRobin. En tout cas, je vois sa bio sur son MySpace qui n'a pas l'air d'être ni en anglais ni en français. Assez spécial quand même. Mais bon, son site web est très très détaillé, il y a beaucoup de nouvelles là-dessus. Voilà. Maxime Robin et son nouveau CD s'appelle Écoutez pas la vitre. Nous, on l'a reçu en version cheapo. Je ne sais pas qu'on va recevoir un vrai beau CD bientôt. On continue notre petit bloc jazz électro ici dans le poste d'écoute où on regarde dans la pile de CD qui a été accumulée depuis les dernières semaines. Le prochain CD est Morphology de The Franco Proietti Morphtet. Voici Lucky 13 dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM. Franco Proietti Morphtet avec leur album Morphology, la pièce Lucky 13 dans le poste d'écoute. C'est du expérimental New Jazz québécois. allez voir myspace.com/francoproietti ou passez par le www.chance.com. Ils vont être en spectacle le 2 septembre au Divan Orange avec Idem, ça c'est à Montréal. Ensuite, le 12 septembre à 20h au Arts Festival de Montréal aussi. Je rappelle l'adresse pour notre site web www.unechance.com. C'est là-dessus que vous pouvez trouver tous les liens de tous les artistes de l'émission d'aujourd'hui et télécharger la balade de diffusion en MP3. On reste dans le domaine du jazz pour aller entendre Claude-Marc Bourget avec Suck in Time, Improvisations Cycle Piano Solo, ce qui est écrit sur leur CD. On commence par l'acte d'ouverture qui sera suivi par la première pièce de la première partie. Il y a trois parties au moins, même peut-être quatre sur le CD. Voici Northern Restlessness dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. 89 FM. J'ai failli le dire comme faux, j'étais vraiment à ça, t'sais. Restez là après la pause, il y a encore un petit peu de jazz dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Till the sun run out of yellow, till the rain falls dry, till the lightning run out of juice, I will be by your loving side. Till the river runs back where it came from, till the mountain falls flat, till the ocean crawls up on the dry land, you give me something that nobody in the world can. Got a song running in my mind, I got a place where I know I will be satisfied, got a love that is never gonna fade away. Till a till the dove don't moan, till his siren run out of scream, give me reason to be coming home. Till the shallow runs deep and the ground fold up, till the flame in the candle make the room go dark, till the sun run out of yellow, you know you got a home in my heart. I got a song running in my mind, I got a place where I know I will be satisfied, got a love that is never gonna fade away. Sun run out of yellow, till the rain falls dry, till the ocean crawls up on the dry land, you give me something that nobody in the world can. Got a song running in my mind, I got a place where I know I will be satisfied, don't feel the sting. Lionel Bramblett avec Everybody Glows de son album Now It's Tomorrow, précédé de Sun Runs. Oui, l'album donc Now It's Tomorrow de Lionel Bramblett est sorti il y a quelques semaines à peine. Il vient d'Athènes en Géorgie aux États-Unis. Du rock alternatif R&B, on classe dans le jazz ici parce que c'est un petit peu, ça sonne jazzy. RandallBramblett.com ou encore myspace.com/RandallBramblettBand. Il vous facilite vraiment la vie en termes d'adresse de site web, mais passez par le www.unechance.com si vous avez besoin des adresses des artistes d'aujourd'hui. Juste avant Randall, on a entendu Claude-Marc Bourget. Et oui, c'est une seule personne, mais c'est du jazz classique acoustique, pianiste jazz de la ville de Québec. Je travaille avec pas mal... Non, en fait, aucune personne, aucun membre du band, mais bon. ClaudeMarcBourget.com ou encore MySpace.com/ClaudeMarcBourget. Il dit que ses influences sont Igor Stravinsky, Beethoven, Thelonious Monk, Miles Davis, Paul Bailey et plusieurs autres. Allez voir sur son MySpace pour la suite. On continue dans le domaine du jazz avec Floyd, A Chill Out Experience. Leur première pièce s'appelle Wish You Were Here et la voici à l'instant même dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou ça! Thank you. The Chill Out Experience avec Brain Damage, précédé de Wish You Were Here. Ça vient de leur nouvel album qui s'appelle aussi A Chill Out Experience. Lounge Club Electro d'Argentine, chilloutexperience.com ou encore myspace.com/chilloutexperience5. J'ai fait le 5. Ou passer par le site de l'émission, le poste d'écoute au www.unechance.com. Tout est là-dessus, dont la balado-diffusion pour réécouter l'émission à chaque semaine. On continue avec Bill King's Rhythm Express. L'album s'appelle Beat Street. Voici tout de suite la pièce Rhythm Express dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Restez là parce qu'on couronne le poste d'or d'ici la fin de l'émission. Ça vaut la peine de rester pour ça. C'est comme le meilleur album de la semaine. Tu sais, de savoir quoi acheter. We'll be right back. Bill King's Rhythm Express avec l'album Beat Street et la pièce Rhythm Express dans le poste d'écoute. Allez voir le billkingmusic.com ou passer par lunechance.com pour le lien. Nous, on doit se dépêcher pour rentrer un dernier CD dans cette émission du poste d'écoute. La formation Never More Than Less. Leur album s'appelle Relentless. C'est du heavy metal. Et voici Ishaki. We will stay. Never More Than Less avec Ishaki de leur nouvel album Relentless dans le poste d'écoute. Donc, Relentless, qui est un groupe de heavy metal, ils vont être le 28 août, en fait. Est-ce qu'on est le 29 aujourd'hui? Je crois qu'on est le 29. Oui, c'est ça. Donc, ce soir, à 20h, vendredi, ils sont au Club Soda avec Mass Hysteria à Montréal. Ils vont être le 30 août à 20h au Cabaret Box Office avec Mass Hysteria à Drummondville. Et le 31 à 20h au Granada, toujours avec Mass Hysteria à Sherbrooke. Ensuite, plus loin, le 6 septembre, ils vont être à 20h au Théâtre Impérial de Québec. Allez voir le myspace.com/nevermorethanless pour toutes les informations ou leur site web au nevermorethanless.com. Passez par le site d'émission si tout ça vous échappe. C'est www.unechance.com. C'est très facile d'y accéder. Cette semaine, dans le fond, dans le poste d'écoute, qu'est-ce que j'ai aimé? Hein? Je regarde ça. J'ai aimé Cameron Latimer avec son album Fallen Apart. J'ai aussi aimé, évidemment, Maxime Robin avec Écoutez pas la vitre, que j'ai beaucoup aimé. Mais ce que j'ai préféré dans tout le lot, c'est la formation de Creepshow avec Run for Your Life. C'est ce que je crois qui a le plus d'avenir assez fou. Donc, The Creepshow. On va se quitter en fait avec une dernière pièce de Never More Than Less qui s'appelle Love and the Blade. Alors que nous, on se quitte pour cette émission du Poste d'écoute. On va être en direct toujours la semaine prochaine dans la nouvelle programmation d'automne, vendredi à 10h. Les rediffusions vont changer pendant les prochaines semaines, donc je vais vous laisser aller voir le site.ca pour connaître les heures de rediffusion du Poste d'écoute. Je vous retrouve aussi à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, et dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est quoi à vous offrir. Donc, allez voir le site.ca pour toutes les informations là-dessus. Jusqu'à la semaine prochaine, bien, faites attention à vous. Bonne semaine et bonne chance! Yeah.